Chapitre 4e, le lac de Lochleven. Des années se sont passées. La jeune fille insoucieuse du monastère d'Inchmaum est devenue une femme énergique et violente. La passion a remplacé sur son front et dans ses yeux les flammes limpides de sa première innocence. La fée du lac de Montès a perdu son auréole. On l'aime encore, on l'aimera toujours, mais d'un amour fatal, plein de frénésie et de remords, d'un amour qui flétrit et qui tue. On l'aime parce qu'elle est belle, que son regard est irrésistible, que sa bouche, c'est des paroles magiques. Mais on n'a plus pour elle cette vénération suprême, ce culte religieux qui la faisait adorer des montagnards et des pêcheurs. C'est que Marie Stuart n'est plus seulement la veuve de François II, c'est qu'elle est aussi la veuve de Darnley, immolée pour elle et par elle. C'est que le sang de Riccio, le chanteur italien, poignardé dans sa chambre, a rejailli sur sa robe. C'est que Chastelard est mort sur un échafaud pour l'avoir aimée et s'être cru aimé d'elle. C'est qu'après tant de sang répandu, elle s'est librement donnée à Bothwell le pirate, à Bothwell un troisième mari, assassin de son second mari Darnley. C'est que la fille de Jacques V n'a pas seulement été impitoyable comme son père pour l'hérésie, c'est qu'elle a mérité d'être maudite et méprisée de John Knox, l'invincible apôtre du presbytérianisme, le seul homme qu'elle avait vainement voulu séduire et fasciner. C'est que James Murray, son frère, qu'elle a comblé d'honneur et de bien, trouve sa gloire et sa vertu dans l'ingratitude. C'est que le malheur et la honte suivent partout cette reine infortunée, pleine de génie, resplendissante de beauté. C'est qu'à force de caprices étranges, de désordre et de crimes, elle serait devenue odieuse à l'histoire, si Dieu n'avait voulu qu'elle commençât sur la terre son expiation. Épouse oublieuse, elle sera mère oubliée. Reine imprudente, elle sera délaissée et trahie. Puis enfin, elle rachètera par son immolation tout le sang précieux qu'elle a fait verser. À l'heure où nous la retrouvons, Marie Stuart, vaincue mais infatigable, s'échappe du château de Lochleven, où sa noblesse révoltée l'a renfermée pour recommencer sa vie de lutte, de guerre, de violence et de passion. C'était le 2 mai 1568. La reine attendait impatiemment depuis plusieurs jours le signal de délivrance que lui avaient fait annoncer George Douglas et John Beaton, deux de ses fidèles et derniers amis. George, parent du laird de Lochleven, n'avait pu voir Marie sans subir, comme tout le monde, sa fascination. Chargé de la garder, il avait voulu favoriser son évasion, mais découvert et contraint de fuir, il avait rassemblé au dehors quelques partisans de la reine et laissé à un de ses plus jeunes parents, enfant de 16 ans, surnommé le petit Douglas, le soin d'ouvrir les portes de la prison à cette séduisante et fatale beauté. Le petit Douglas s'était acquitté avec d'autant plus d'ardeur de la mission qu'il avait reçue que lui aussi s'était senti ému d'une tendre pitié pour l'enchanteresse. Or, le 2 mai, après le souper, quand Marie s'était retirée dans sa chambre, on frappa à la porte. Le petit Douglas parut et, posant un genou en terre, annonça à la reine qu'elle allait être libre et qu'il avait dérobé les clés du château. « Libre ? » murmura la reine. « Soyez bénie, vous qui avez pris en pitié celle que son peuple abandonne. « Madame, le temps presse !» interrompit Douglas, que les témoignages de cette reconnaissance embarrassaient. « Je suis prête !» répondit Marie Stuart en se levant, et quelques instants après, posant son bras sur le bras tremblant de son jeune libérateur, elle franchissait, sous un déguisement, les portes du château. Une barque était amarrée au rivage. Le lac de Lochleven, sombre et silencieux, balançait l'esquif. La lune, complice de la fuite, s'était voilée. C'était une admirable nuit pour une évasion. Avant de mettre le pied sur la barque, la fée d'Inchmaum se souvint du lac de Montaeth, de ses promenades d'enfant, peut-être aussi du kelpie, et retenant le petit Douglas qui s'apprêtait au départ. « Hélas !» dit-elle, « toutes les fois que je me suis embarqué, ce fut pour un malheur, et les eaux que j'ai parcourues ont autres su mes larmes. » « Les eaux de Lochleven recevront mon sang plutôt que vos pleurs, » reprit avec énergie le petit Douglas. « Si je ne parviens pas à vous rendre libre, je me tuerai. Taisez-vous, enfant, et priez Dieu. » Alors, se retournant vers les sombres murailles qui avaient été confidentes de ses douleurs, la reine d'Écosse adressa une ardente prière au ciel. Chose étrange, plus son cœur se calcinait au feu des passions humaines, plus il s'ouvrait aussi aux effusions divines. La fille du catholique Jacques V éprouvait au fond de toutes ses voluptés une soif inextinguible qui ne se satisfaisait réellement que par la prière. Quand elle eut fini, Marie sauta dans la barque et celle-ci, emportée par les rames, vola sur le lac comme un alcyon. À quelques brasses de la rive, la reine regarda le fanal qu'elle avait laissé sur sa fenêtre pour avertir du moment précis de sa fuite ses amis cachés dans les environs. Le petit Douglas distingua un soupir. « Que regrettez-vous, madame ?» demanda timidement l'enfant. « Je ne regrette rien, j'ai peur, » dit Mary Stuart. « Cette lumière rouge est une triste étoile, on dirait une lueur sanglante. »« C'est la liberté qui rayonne, ô ma reine. » « Oui, la liberté de combattre, la liberté de punir des rebelles. Du sang, toujours du sang. Douglas, Douglas, je n'étais pas faite pour cette vie terrible. » Douglas abandonna les rames et, voyant Mary Stuart rêveuse, se prit à la contempler tristement. Il semblait que cette heure était toute de méditation. L'Orlaven était oublié, les dangers avaient fui. On eût dit une promenade paisible et douce. Marie regardait les flots, Douglas regardait Marie, et le silence n'était interrompu que par le glissement de l'eau sur les flancs de la barque. Dans cette nuit paisible, la reine fugitive dégonflait son cœur et aspirait les parfums de sa vie passée dans les parfums du printemps. Elle songeait au beau séjour de France, à son triste retour, à ses fautes, à ses crimes. Et ses remords, s'épurant dans cette sérénité immense, elle sentait son âme se dégager peu à peu de ses angoisses. « Douglas, dit-elle enfin, comme si elle résumait sa méditation, n'aimez jamais. Conservez votre cœur pur, comme l'éclair de vos regards. C'est le seul conseil que je puisse vous donner en retour de la liberté. » « Il est trop tard, madame, répondit Douglas avec une voix tremblante et en se mettant à ses genoux. Je vous ai vu pleurer, et quand j'ai juré de vous sauver, j'ai juré de vous aimer jusqu'à la mort. Vous aussi, pauvre enfant. » Il y eut un long silence que nul n'osait rompre. La lune, jusque-là voilée par les nuages, se montra tout à coup et son pâle rayon enveloppa la barque. Le petit Douglas aperçut alors au fil de l'eau un lys qui penchait sa tête, touchant emblème pour une reine de France. Il sortit à moitié de l'esquif, à l'aide de la rame, atteignit la fleur et l'offrit à Mary Stuart. Une perle brillait sur le bord du calice. C'était une goutte d'eau ou une goutte de larmes. « Madame, dit Douglas, vous avez fait fleurir le lac, et le démon de Lochleven s'est paré pour vous voir passer. »« Quoi, ce lac aussi a ses démons ?»« Sans doute. » Et les balades rapportent. « Oh, ne me parlez pas de balades, Douglas. Je les ai trop aimées et trop chantées. Le démon de Lochleven ne vaut pas mieux que celui de Monteith, et ne rendrait pas à la triste reine des augures meilleurs que ce que le Kelpie a rendu à l'enfant. » Et Mary Stuart, souriant avec amertume, raillant doucement la superstition dont elle n'osait pourtant se déclarer affranchie, raconta sa promenade sur le lac de Monteith, ses fiançailles avec le démon et les tristes voyages qu'elle avait faits depuis sur les eaux. Quand elle eut fini, Douglas s'écria « Je sais, moi, une offrande agréable au Kelpie de Lochleven », et tirant de son sein les clés du château qu'il avait emporté dans sa fuite, il les jeta dans le lac. À peine l'eau était-elle refermée qu'un coup de feu retentit, on s'était aperçu de l'évasion de la reine et on tirait sur l'esquif. Douglas pâlit, Mary Stuart poussa un cri et la barque reprit sa course, ou plutôt son vol, vers la rive opposée. Le trajet se fit en silence, mais, en touchant le rivage, la reine dit à son guide « Vous le voyez, Douglas, les lacs d'Écosse ne veulent pas de moi, la mort m'y poursuit. » À quelque distance du Lord, le petit Douglas cueillit un chardon et l'offrant à la reine, qui portait déjà un lys. « Reine de France et d'Écosse, lui dit-il, faisant allusion à ces deux emblèmes, vos sujets vous attendent. » Puis il souffla dans un corps suspendu à sa ceinture. George Douglas, John Beaton, Claude Hamilton, qui attendaient cachés dans les herbes, accoururent saluer la fugitive. Marie se vit bientôt entourée d'une noblesse fidèle et dévouée. L'espoir entra dans son âme. Elle se crut maîtresse enfin du sort et s'écria, en embrassant ses amis, « Je suis sauvée. » Hélas, elle était perdue. Sa promenade sur le lac de Lochleven ne fit que précéder de peu de temps une longue et cruelle captivité. Et le 8 février 1587, la fille de Jacques V, la veuve de François II, la reine de France et d'Écosse, après 18 années de torture et de prison, réalisant la prophétie paternelle, posa sa tête, toujours jeune et belle, sur le billot d'Élisabeth. Le bourreau trembla quand il fallut frapper, et il s'y prit à deux fois. L'âme de Marie s'échappa réconciliée avec Dieu par le repentir et la prière. Tous nos lecteurs connaissent les détails de cette horrible et sublime agonie. Peut-être qu'avant de monter sur l'échafaud de Fotheringay, dans les heures douloureuses qu'elle consacra à repasser et à offrir à Dieu sa vie, Marie Stuart se souvint des superstitions de son enfance et des prédictions sinistres du démon du lac. Quoi qu'il en soit, le génie des eaux s'est emparé de son souvenir et porte son deuil. Sur les bords du Maine, qui coule au pied de Fotheringay, en cueil de petites fleurs rouges qui sont nées, dit la légende, des gouttes du sang de l'infortunée Marie. Ainsi s'achève Le démon du lac par Louis Ulbach,